Lorsqu'elle releva la tête, le décor superbe du jour naissant avait déjà disparu. Elle se sentit elle-même apaisée, un peu lasse, comme refroidie. Sans fermer sa fenêtre, elle alla s'étendre sur son lit, rêva encore quelques minutes et s'endormit si profondément qu'à 8 heures, elle n'entendit point les appels de son père et se réveilla seulement lorsqu'il entra dans sa chambre. Il voulait lui montrer les embellissements du château, de son château. La façade, qui donnait sur l'intérieur des terres, était séparée du chemin par une vaste cour plantée de pommiers. Ce chemin, dit vicinal, courant entre les enclos des paysans, joignait, une demi-lieue plus loin, la grande route du Havre à Fécamp. Une allée droite venait de la barrière de bois jusqu'au perron. Les communs, petits bâtiments en cailloux de mer, coiffés de chaumes, s'alignaient des deux côtés de la cour, le long des fossés des deux fermes. Les couvertures étaient refaites à neuf. Toute la menuiserie avait été restaurée, les murs réparés, les chambres retapissées, tout l'intérieur repeint. Et le vieux manoir terni portait, comme des taches, ses contrevents frais d'un blanc d'argent et ses replâtrages sur sa grande façade grisâtre. L'autre façade, celle où s'ouvrait une des fenêtres de Jeanne, regardait au loin la mer, par-dessus le bosquet et la muraille d'orme rongée du vent. Jeanne et le baron, bras dessous, visitèrent tout, sans omettre un coin. Puis ils se promenèrent lentement dans les longues avenues de peupliers qui enfermaient ce qu'on appelait le parc. L'herbe avait poussé sous les arbres, étalant son tapis vert. Le bosquet, tout au bout, était charmant, mêlait ses petits chemins tortueux, séparés par des cloisons de feuilles. Un lièvre partit brusquement, qui fit peur à la jeune fille. Puis il sauta le talus et détala dans les joncs marins vers la falaise. Après le déjeuner, comme Madame Adélaïde, encore exténuée, déclarait qu'elle allait se reposer, le baron proposa de descendre jusqu'à Yport. Ils partirent, traversant d'abord le hameau d'Étouvent, où se trouvaient les peuples. Trois paysans les saluèrent comme s'ils eussent connus de tout temps. Ils entrèrent dans les bois en pente, qui s'abaissent jusqu'à la mer en suivant une vallée tournante. Bientôt apparut le village d'Yport. Des femmes, qui raccommodaient des hardes, assises sur le seuil de leur demeure, les regardaient passer. La rue inclinée, avec un ruisseau dans le milieu et des tas de détritus traînant devant les portes, exhalait une forte odeur de saumure. Les filets bruns, où restaient de place en place des écailles luisantes, pareilles à des piécettes d'argent, séchaient contre les portes et les taudis, d'où sortaient les senteurs des familles nombreuses, grouillant dans une seule pièce. Quelques pigeons se promenaient au bord du ruisseau, cherchant leur vie. Jeanne regardait tout cela, qui lui semblait curieux et nouveau, comme un décor de théâtre. Mais brusquement, en tournant un mur, elle aperçut la mer, d'un bleu opaque et lisse, s'étendant à perte de vue. Ils s'arrêtèrent, en face de la plage, à regarder. Des voiles, blanches comme des ailes d'oiseaux, passaient au large. À droite comme à gauche, la falaise énorme se dressait. Une sorte de cap arrêtait le regard d'un côté, tandis que de l'autre, la ligne des côtes se prolongeait indéfiniment jusqu'à n'être qu'un trait insaisissable. Un port et des maisons apparaissaient dans une de ces déchirures prochaines, et de tout petits flots qui faisaient à la mer une frange d'écume roulaient sur le galet avec un bruit léger. Les barques du pays, allées sur la pente de cailloux ronds, reposaient sur le flanc, tendant au soleil leurs joues rondes vernies de goudron. Quelques pêcheurs les préparaient pour la marée du soir. Un matelot s'approcha pour offrir du poisson, et Jeanne acheta une barbue qu'elle voulut rapporter elle-même au peuple. Alors l'homme proposa ses services pour des promenades en mer, répétant son nom coup sur coup afin de le faire bien entrer dans les mémoires. « Lastique, Joséphin Lastique !» Le baron promit de ne pas l'oublier. Ils reprirent le chemin du château. Comme le gros poisson fatiguait Jeanne, elle lui passa dans les ouïes la canne de son père, dont chacun d'eux prit un bout. Et ils allaient gaiement, en remontant la côte, bavardant comme deux enfants, le front au vent et les yeux brillants, tandis que la barbue, qui lassait peu à peu leurs bras, balayait l'herbe de sa queue grasse.